venez vous évader.

Oh, We'll be right back.

Come on. Toujours l'émission Electron Libre sur Antenne Doc. C'était donc Caterva en live. Les deux membres de Caterva en live et leur ami au violon, en direct. Voilà, hein, c'est la grande classe. Nous, ça nous fait bien plaisir de les recevoir dans les studios. Et puis, oui, il faut bien le dire, on n'a pas l'habitude d'avoir des instruments comme ça qui se rajoutent sur le son, et du violon particulièrement excellent. Je vais simplement rappeler que, dire que demain ils seront en concert à Terre Blanque à Toulouse. Donc le lieu Terre Blanque à Toulouse, et il y aura aussi Nurgle des Trolls qui est là ce soir et qui va enchaîner d'ailleurs là après Caterva. Voilà, donc si ça vous a plu, Caterva, et ensuite vous écouterez ce que ça donne avec Nurgle, vous pouvez retrouver donc ces gens-là à Terre Blanque demain soir à Toulouse. Le PAF c'est 7€ et il y a encore pas mal de monde dans la programmation de Terre Blanque, hein. Je connais pas tout, mais eux ils sont et il y a encore pas mal d'autres gens. Sinon, on va vous rappeler que les émissions, vous pouvez les télécharger sur mininova.org. Donc sur internet, vous tapez Mininova, mininova.org, et vous avez les émissions en téléchargement libre. Il y en a pas mal, il y en a 13 ou 14 maintenant, ce soir c'est la 22e, donc je le dis chaque fois, mais il y a un petit décalage entre le direct et ce qui est sur internet. Mais c'est le temps de les mettre, et parce qu'on a commencé à le faire avec un petit peu de retard. Voilà. Toujours là, Electron Libre, Antenne Doc, c'est 88.1 à Cahors, ou 89 pour nous écouter, et on va donc continuer avec Nurgle des Trolls qui est là ce soir. Ouais, ça va démarrer sans tarder, hein, mais bon, faut le temps de se brancher un petit peu tout ça. C'est comme d'hab, hein, c'est du live. Electron Libre, toujours en live, donc voilà, il faut aussi gérer ça. Ouais, si, tant que j'y suis dans les soirées, en plus de la soirée Terre Blanche, vous avez aussi, si vous préférez, une soirée teuf. C'est dans la Montagne Noire, donc. Comme souvent, ouais, dans le coin à Toulouse, côté Mazamé, Carcassonne, dans la Montagne Noire, c'est Teuf Réformé, Tsunami et Fennec. Donc demain soir, samedi 29, l'info c'est 444-555 ou 673-673. Voilà, 444-555, ça c'est la, l'info classique Réforme, ou alors 673-673. Une teuf, Tsunami, Fennec, Réforme dans la Montagne Noire. Quoi dire, ben, qu'on attend encore certains de nos invités, Defray et Armagetnad, qui donc poseront un peu plus tard. Et pour le moment, ce sera avec Nurgle la suite de l'émission. Si Nurgle est prêt, je ne sais pas.